les filles. Thank you. Dove? Qui a un texte? Envoyez un texte. J'ai un texte, un ancien texte à moi. Il faudrait que je voie la mesure. Mesure qui partira à 1. Je ne crois plus en rien. peut-être juste en toi. Je vis sans lendemain. Et c'est bien mieux, crois-moi. Là comme un con, le courant qui m'emporte, moi je me bats, peu importe. Que vont-ils faire à présent? Mieux ou pire, je n'en sais rien. Ok, je pense à nos enfants. Que vont-ils faire à présent? Mieux ou pire, je n'en sais rien. Moi je ne suis pas divin. Alors ils sont là les guitaristes? Est-ce qu'ils sont là les guitaristes? Bien vous entendre les gratteux, qui va faire le petit solo? faire une autre. Ah merde. Il doit péter un peu là. Celui-là. Ça va celui-là? De guitare. Allez, on balance un riff. Allez, boudin. Boudin noir. J'aime pas trop le boudin. Moi. Ok. Moi j'ai un texte là. Mais je sais pas quoi jouer. Demain je serai prêt à l'heure pour recommencer. se loger et garder la santé. Rester zen au milieu de ces gens. Mon médecin me l'a dit, monsieur, faut se reposer. Mais voilà, pour changer, j'ai besoin d'argent. Ce soir, je sors encore très tard. Je veux m'amuser. Ce soir, je défie le hasard. Pour te rencontrer. Ok. Très tard, je veux m'amuser. Soir, je défie le hasard pour te rencontrer. Demain, j'aurai tout oublié de cette soirée. Thank you. On change de tempo? Combien? Je sais pas, je sens 125. Comment 125? J'ai 125. Mais bon, si vous voulez changer, moi je propose. Je vous dispose. Il veut pas changer mon 125. essayer de trouver des paroles. Ça va craquer. Et on se calme là. Et il y a Shadow. Shadow, elle est. Elle, Shadow. Pourquoi elle? Je sais pas. Moi, Shadow, c'est peut-être un garçon. Shadow, il est venu. Il a écouté. Il est vite reparti. Shadow, Regarde. Shadow has left the server. Putain, Shadow. Putain, je vais aller chercher Shadow. Il doit être sur notre serveur. Je vais lui dire pourquoi elle a pas voulu rester. Il est où, Shadow? Oh, le salaud. J'ai le piano d'un coup. Et si ce soir j'ai le blues, tu vois, yeah. Oh là, attention. Bonjour, monsieur Trey. Monsieur Trey. Mais je suis simple. Attends. On va faire le tap tempo. Allez, 80. On va à 80, les gars. On va se faire une balade. Et je vais arrêter de chanter. Vexé. Merde. Vote. Putain, j'ai essayé de marquer vote, ça marche pas. Oh, si ce soir Johnny va refaire une tournée. Pour payer ses impôts. 80, ça y est. Je n'ai pas de texte, c'est pas grave. Bon, je vais avoir de la batterie en... Je commence à avoir faim, moi. Balade. Y'a pas une balade? Balade. Attendez. Hein. Voilà, je suis pas au même tempo là. Oh putain, c'est chiant ce truc, ça veut pas synchroniser. Bon, je vais essayer de synchroniser ce truc de merde. Ça va? Ça va comme ça? Alors là, c'est, vous faites pas le solo de tuerie sur un truc de piano là? Trop lent. Allez, on va faire plaisir, on va accélérer. C'est quoi ça? C'est pas très synchro, non ?